Fais chanter le monde, citoyen. Vibre de tout ton être. Des fois faut pas grand chose pour arranger les choses. Allez, fais chanter le monde. Fais chanter le monde en refrain. Vibre de tout ton être. Délire à fleur de peau. Chante, je chante faux. Mais fais chanter le monde. Tes impôts, tu bois de l'eau, tu vis les doigts dans la colle. C'est ainsi, c'est la vie que tu vis. Allez, fais chanter le monde, fais comme les oiseaux, chante fort. Vibre de tout ton être, chante pour te libérer. Allez, laisse-toi aller et fais chanter. Chanter.